C'est parfait, ça. Et oui. Mais eux autres, peut-être qu'ils n'en vivent pas, mais moi, je suis quand même curieuse de bien des affaires. Comment on fait? Parce que là, on en discutait un peu tantôt, puis là, on disait, mais là, les individus qui n'ont pas trop la conscience, ça va bien vivre des émotions, puis après ça, ils peuvent constater des choses, puis ça s'arrête là. Mais ceux qui développent leur conscience de plus en plus, qui, à un moment donné, vivent des émotions, mais qui aimeraient bien que ça cesse, comment faire pour faire cette transition-là? Pour ça, c'est d'avoir des émotions. Le moyen le plus efficace et le plus rapide, ce serait d'appliquer la transparence. On a déjà vu dans les conférences antérieures que la transparence, c'est d'admettre ou de réaliser, de ne pas se cacher de ce qu'on a comme handicap, qu'on considère comme handicap. La transparence, c'est aussi de se permettre d'être vrai, s'autoriser à être vrai. Puis être vrai, ça veut dire être vraiment ce qu'on est au moment où on l'est. Si tu m'amènes, par exemple, en excursion, puis il faut qu'on descende une falaise, et que je suis en haut de la falaise, et puis que j'ai peur de descendre la falaise, il faut que je sois suffisamment transparent pour dire, Michel, moi, je ne vais pas, j'ai peur de descendre la falaise. Ça ne veut pas dire que c'est intelligent ou inintelligent. On ne juge pas un événement ou on ne juge pas un individu à ce qui est capable d'escalader ou pas comme pente, comme falaise. Et puis, celui qui est capable de s'autoriser à dire ça, il fait déjà un grand pas vers la libération de ces sentiments maléfiques là, qui sont appelés des émotions. Parce que s'autoriser à être ce qu'on est, ça revient à autoriser à notre ego d'être faible dans certains cas. Est-ce que ça peut l'autoriser à être fort dans d'autres cas? Ça peut l'autoriser à être fort. Par contre, la majorité du temps, on a plus de difficultés avec l'ego dans le sens de faiblesse que dans le sens de se prendre, de s'autoriser à être fort. C'est rare qu'on va avoir un ego qui va être capable de nous autoriser à faire tout ce qu'on voudrait sans nous faire sécréter énormément d'hormones à l'intérieur. Parce que si, vis-à-vis de toi, je suis quelqu'un qui n'a jamais peur de rien, puis on arrive à cette même falaise-là, puis je la descends, je vais la descendre. Donc, de l'extérieur, toi, tu verras rien. Je vais peut-être la descendre bien plus vite que tous les autres. Peut-être la débouler, la falaise. Mais égoïquement, j'aurais fait ce que j'ai dit, que ce que tout le monde perçoit de moi comme étant celui qui est capable de le faire, de descendre la falaise. Par contre, en descendant, je vais avoir abîmé mon corps physique en sécrétant trop d'hormones. Les hormones, c'est tout ce qu'on vit, à toutes les fois qu'on vit une émotion forte, surtout, on sécrète une drogue qui endommage finalement par trop grande quantité, endommage nos cellules, endommage notre corps physique ou le fatigue énormément. Si quelqu'un a besoin de cette drogue-là, il peut aller différentes formes on peut aller faire du saut de parachute, on peut aller à Blue Bonnet, gagner, perdre, ça va aussi sécréter un genre d'hormone. Si, par contre, moi, je m'autorise à te dire, non, moi, je ne la descendrai pas, la falaise, parce que j'ai peur. Donc, à ce moment-là, on peut avoir une discussion mentale qui fasse en sorte que tu me demandes pourquoi j'ai peur, mais si je sens que tu ne me le demandes pas de façon à m'attaquer et à me juger, mais plutôt d'essayer de faire en sorte de m'aider à cesser d'avoir peur, bien là, on peut peut-être travailler cette situation-là, puis faire en sorte que finalement, je la descende quand même, sans peur, parce que maintenant je comprends que c'est pas dangereux, parce qu'on a un bon câblage, on est bien installé, etc. Mais si, égoïquement, je décide d'embarquer quand même dans le jeu, tout le long en descendant, je vais suer, je vais avoir peur, je vais vraiment vivre la peur, même si je ne l'ai pas avoué pendant que j'étais en haut de la falaise. Alors la transparence, ça permet de s'autoriser à être ce qu'on est. Mais c'est pas nécessairement que d'admettre des faiblesses. Non, non, pas du tout. Mais parce que la transparence, en réalité, c'est de laisser transparaître ce qu'on est. On est un esprit, puis on est un ego. On prend l'esprit comme étant l'intelligence. On sait, on sent, on perçoit ce qu'on est. Parce que en réalité, en tant qu'intelligence, je n'ai pas peur de descendre la falaise. L'intelligence n'a pas peur de descendre la falaise. L'intelligence va s'installer comme du monde, va prendre les câblages qu'il faut, va prendre les poulies qu'il faut, va prendre l'équipement qu'il faut, puis elle va descendre la falaise. Donc, mon ego peut percevoir ça aussi à l'intérieur et savoir qu'en dedans de moi, je n'ai pas peur, en réalité. Mon intelligence n'a pas peur. Si toi, quand tu me regardes, tu perçois mon intelligence, tu perçois donc la personne qui, elle, n'a pas peur parce que c'est ce qui est en dedans que tu vois. Fait que moi, par retour de forme, je sais que toi, tu t'attends à ce que je la descende. Donc, mon ego est capable de lire ça. On ne sait pas nécessairement ce qu'on lit, mais l'ego est capable de percevoir que dans les yeux de l'autre, dans son regard, elle va être déçue si je lui dis que je ne suis pas capable de descendre. Donc, c'est là que, égoïquement, il faut être capable d'admettre, il faut être capable de laisser parler l'ego, et puis il faut être capable d'autoriser l'ego à avouer sa crainte par rapport à n'importe quel événement. Là, je donne cet exemple-là de descendre une falaise. Parce que l'ego est conscient, ou en ce cas sent la présence de l'intelligence, sait la présence de l'intelligence, la vie, et en même temps peut voir que lui, entre ce que lui il est, puis entre ce qu'il habite, entre ce qu'il est en train de descendre dedans, il y a une différence. Et puis il y a dans certains cas, ou dans la majorité des cas, une faiblesse par rapport à ce que l'autre serait capable de faire. Fait que s'autoriser à être, c'est s'autoriser à admettre en tant qu'ego qu'on n'est pas ce qu'on est à l'intérieur, pour l'instant. Qu'on est en train de le devenir, qu'on fait des efforts dans ce sens-là, des efforts parce que c'est l'ego qui doit faire des efforts, et puis qu'on s'en va vers ça, mais on n'est pas encore arrivé là. Donc, tant ou aussi longtemps qu'on est un être transitif, il faut appliquer la transparence pour permettre à l'être d'être. Est-ce qu'appliquer la transparence ne peut pas être à un moment donné dangereux que de dire toujours nos faiblesses, que de toujours admettre de... C'est énormément dangereux selon avec qui tu te tiens. C'est énormément dangereux pour l'ego. Mais pour l'intelligence, ça ne l'est pas. Donc, ça peut t'amener dans un processus d'anégoïsation beaucoup plus rapide parce que un ego transparent va laisser voir ce qu'il est en réalité, va donc se faire attaquer forcément par ceux qui veulent en profiter de sa faiblesse. Et puis là, va devoir soit se défendre, donc s'énergiser, ou réaliser et se désillusionner par rapport à sa relation avec les autres. Et se rendre compte que ceux qui sont en face de lui veulent le détruire par sa faiblesse. Donc, soit qu'il ne devrait pas fréquenter ces gens-là, c'est pas les personnes avec qui il devrait être, parce qu'il le juge, parce qu'il le trouve faible et parce qu'il abuse de sa faiblesse, ou par la force des choses, va être amené à s'anégoïser parce qu'il va se faire frapper de tous les côtés dans ses faiblesses. Parce que tant qu'on vit... Si on est quelqu'un qui est en conscientisation, puis on vit, on est entouré de ce qu'on appelle des animaux humains ou des personnes qui profiteraient de la faiblesse de quelqu'un d'autre, ça va juste nous pousser plus vite au passage de la conscientisation. Parce que la transparence, bon, je sais qu'elle peut être plus facile. Par exemple, si on prend un couple qui... Il y en a un qui est dans un cheminement évolutif, l'autre est dans son cheminement personnel qui est aussi évolutif d'un autre point de vue. S'il y en a un qui applique la transparence, mais que l'autre ne l'applique pas, est-ce que ça peut créer une sorte de frustration pour la personne qui, elle, est transparente? Puis à un moment donné, elle peut se sentir complètement seule à ce niveau-là. Oui. Ça peut même créer le début de la fin d'un couple ou le début de la fin d'une relation. Parce que, mais encore là, il faut être ajusté, par contre, dans le sens que où on décide qu'on applique la transparence demain matin à 100%, à ce moment-là, la négociation ne durera pas longtemps, mais elle peut être pénible au niveau de l'ego, parce que ça peut changer beaucoup l'environnement, les relations, les personnes avec qui on se tient, puis l'image qu'on se fait de soi-même. Mm-hmm. Ou on ne l'applique qu'avec modération, dans le sens où on va préserver, par exemple, si on juge qu'il est utile de garder une relation de couple stable pour l'instant, donc une personne qui a des jeunes enfants, ou une personne qui dit tout simplement ben, « je suis bien avec la personne avec qui je vis, il y a des problèmes de vivre avec elle, il y a des points sur lesquels on ne s'entend pas du tout, donc si je provoque des situations en étant trop transparent, je mets le feu aux poudres, autrement dit, c'est pas plus intelligent. À ce moment-là, je pratiquerai la transparence avec quelqu'un d'autre ou j'irai morceau par morceau. Faut pas arriver dans un bloc. C'est sûr que si on le regarde cosmiquement ou intelligemment, on pourrait dire oui, applique-les toutes à 100%, puis ça va tout régler le problème. Mais ça dépend de ce qu'on veut vivre, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on s'autorise à passer une période relativement rapide et relativement dure, ou si en étant écologique, je dirais, avec son environnement, parce que faut oublier quand même que par respect, même si c'est pas nécessairement de l'amour possessif, mais par respect des autres qui nous entourent, on doit aussi faire en sorte de ne pas détruire tout ce qui est sur notre passage dans le but d'évoluer, parce que là, le but d'évoluer deviendrait égoïque et non pas intelligent. Okay. C'est donc aussi devenir transparent avec soi-même. Énormément. D'abord avec soi-même. Si on n'est pas transparent avec soi-même, on ne peut pas l'être avec les autres. Mais pour je suis pas sûr que pour certains, c'est très clair qu'on peut être transparent parce que on peut pas se mentir. Il y en a qui peuvent réaliser à un moment donné qu'ils peuvent se mentir à eux-mêmes. Mais peut-on des fois se mentir à soi-même sans s'en rendre compte? Ah oui, on est les plus beaux menteurs. Mais comment devenir transparent? Ben c'est ça. Si tu t'en rends même pas compte, t'es menteur avec toi-même. Il faut le réaliser. Il faut réaliser qu'on se compte des menteries à nous-mêmes. On n'a pas besoin d'être compté aux autres. On se fait des accroires à la journée longue. On s'estime incapable de faire quelque chose, alors que lorsqu'on est en train de le faire, on réalise que c'était ridicule. D'avoir peur de le faire, on était capable de le faire. Mais on se ment constamment en se convainquant qu'on n'a pas la puissance qu'il faut, on n'a pas les qualités qu'il faut, on n'a pas le corps physique qu'il faut ou l'intelligence qu'il faut pour appliquer ou pour faire telle chose. Alors que c'est pas nécessairement vrai, même la plupart du temps, pas vrai du tout. Il s'agit de le faire. Donc, finalement, c'est en posant des gestes concrets, en faisant des choses. Si je me convainc que je suis quelqu'un qui n'est pas capable, dans notre exemple de tantôt, de faire de l'escalade, ben, il faudrait qu'intelligemment, je m'autorise à essayer. En tant qu'intelligence, en tant que... en utilisant, par contre, comme je disais tantôt, les moyens qu'il faut pour le faire intelligemment, ne pas partir de façon égoïque puis dire « j'escalade toutes les falaises », mais le faire intelligemment, puis ensuite réaliser que ce que je percevais de moi-même était faux, en tant qu'ego. Je percevais une incapacité de le faire, je suis capable de le faire, donc c'était faux. Et puis se rendre compte que c'est à nous-mêmes qu'on se ment le plus. Être transparent avec soi-même, est-ce que ça peut amener à voir des choses qu'on... Mais ça amène automatiquement à voir des choses qu'on refusait de voir par rapport à l'ego. Oui. Mais à ce moment-là, est-ce que ça peut créer une désillusion de soi? Il ne devrait pas, si avec une vraie transparence réelle, il va y avoir, dans un premier temps, possiblement une désillusion, mais dans un deuxième temps, lorsque la désillusion est terminée, la réalité de ce qu'on va voir, de ce qu'on est beaucoup plus belle, plus intéressante que ce qu'on était ou ce qu'on pensait être. Mais dans la forme, il y a un changement. C'est comme si on s'était toujours perçu comme étant un cercle, et puis en réalité, on n'était pas un cercle, mais un globe à trois dimensions. On n'était pas juste un cercle à deux dimensions. Mais pour passer de la vision du cercle à deux dimensions au globe, il va y avoir une période de transition où on ne verra même plus qu'on est un cercle, c'est difforme. Parce que si toute ma vie, ça a été mon ego qui a été celui qui s'exprimait puis celui qui faisait son nom de forme ou son image de marque à celui qui parle, il y a, pendant la période où je vais passer d'ego à intelligence, c'est sûr qu'il va y avoir un décalage puis un démarquage important. Donc, au début, par rapport à l'ego va vivre une désillusion. Et puis ensuite, quand l'être qui est à l'intérieur va pouvoir s'exprimer, quand l'homme devient plus près de l'homme nouveau, à ce moment-là, l'ego peut être impressionné, même, entre guillemets, de la qualité de vie qu'il peut se vivre. OK. On va passer aux questions. Oui. Ma fille de 2 ans est téflonne. Elle me donne toujours des ordres et fait une crise lorsque je ne fais pas ce qu'elle veut. Elle crie et fait tout le temps. Elle fait tous les temps. Ça m'énerve et je perds patience. Que faire? J'ai lu les 4 livres sur l'enfant téflon. Et j'applique. Bon, sur les enfants téflons, je pense que c'est vraiment une question qui se réserverait à Daniel. Ça en est sa spécialité. Il a écrit 4 livres. Il doit être capable d'en parler plus que moi. C'est certain, par contre, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que l'énervement n'aidera pas. C'est sûr que quand on le vit, j'en ai aussi des enfants, puis j'en considère Teflon à certains niveaux. Et puis, c'est pas toujours facile parce que, effectivement, ça énerve. À un moment donné, quand tu dis, aujourd'hui encore, j'ai une petite fille à qui on disait, mon épouse et moi, d'arrêter de tourner la télévision, c'est un jeu-là qu'elle tombe sur elle. Bon, c'est donc c'est pour la protéger, elle. On veut pas qu'elle se fasse tuer parce que le téléviseur tombe dessus. Mais elle se retourne en disant, ben, c'est ça, dis-moi, si tu veux plus que j'y touche, puis que je la regarde. Il y a des réactions, des fois, que tu dirais, écoute, là. Il y a des nerfs de parents, ça a une certaine limite. Il y a un moment où... Et puis, quand on embarque dans ce rôle de parent-là, on a moins de tolérance que si on était un adulte pur. Encore là, ça revient avec les émotions par rapport à ce qu'on présume ou ce qu'on prétend être la réaction de l'enfant avant qu'il l'ait. Si, dans le même exemple, ça n'avait pas été ma fille, si ça avait été la fille de quelqu'un d'autre, j'aurais pu prendre probablement 15 minutes, une demi-heure, lui expliquer très calmement pourquoi je lui avais dit ça, puis on aurait pu avoir une discussion beaucoup plus intéressante parce qu'il n'y a pas d'émotion. Si c'est ta fille qui fait ça, puis je la connais pas, il faut prendre le temps qu'il faut pour lui expliquer. Alors, pourquoi que moi, en tant que père, de celle que j'aime, je ne suis pas capable de faire la même chose? On en revient encore à la même chose que dans la première partie, à l'émotion. On s'énerve en tant que parent parce qu'on s'attend à ce que notre fille ou notre fils soit à l'image que nous, on voudrait qu'il soit. De toute façon, j'ai l'impression que ça peut être une arme facilement utilisée par les enfants. Ah, ils savent énormément. Ils savent que les adultes sont facilement énervables. Oui, puis les enfants doivent, à un moment donné, un enfant qui réalise que la plus belle corde sur laquelle il peut tirer, c'est de faire soit crier ou pleurer son père ou sa mère, de crier ou pleurer de rage, et puis qui n'est pas capable d'obtenir ce qu'il veut, il va tirer dessus, la corde. Ils ont une certaine innocence, je dirais, au niveau... On dirait que les enfants sont intelligents en faisant ça dans leur façon. C'est sûr que si tu te places dans les souliers du parent, tu ne trouves pas ça intelligent qu'il agisse comme ça. Mais lui, oui, parce qu'il obtient ce qu'il veut. C'est de la manipulation totale. Les enfants Teflon sont des spécialistes dans la manipulation. Mais vous devriez... On va conserver la question, puis je la reposerai la semaine prochaine. Je suis l'intervieweur, je repose la question à Daniel. J'ai un fils de 16 ans qui ne va plus à l'école depuis 2 ans déjà. Je le suspecte. Par contre, je ne sais pas comment agir devant cette situation. J'ai lu les 4 livres sur l'enfant Teflon. J'ai appliqué plusieurs points. Mon fils aussi applique. Par contre, la situation ne me plaît pas. Il ne travaille pas et passe les journées à la maison. Que faire de plus? C'est exactement ce qu'on disait tantôt. Si je reprends les mots mot à mot, la situation ne me plaît pas. Oui. C'est vraiment là qu'on se fait tout charrier, dans ce qu'on attend, dans ce qu'on veut qu'il arrive. Donc, si ce que je veux qu'il arrive n'arrive pas, ça ne me plaît pas, ça me déplaît, puis à partir de là, on essaye de transformer les choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Si un enfant a une mauvaise... vit des mauvaises expériences, ou je ne sais pas ce qu'il fait exactement de ces journées, mais ça vous inquiète. Mais il faut se dire que peu importe l'inquiétude qu'on va se donner par rapport à ce que les enfants devront vivre, ça ne changera pas ce qu'ils doivent vivre. Si moi je m'en fais par rapport à ce que mes enfants font lorsqu'ils font du vélo, je pourrais m'en faire tant que je voudrais. S'il y en a un qui a affaire à avoir un accident, je ne veux pas dire qu'on doit être fataliste, mais si on réalise à un moment donné que nous, on n'a pas eu de libre-arbitre, que moi, mes parents n'ont pas fait avec moi ce qu'ils voulaient, que moi, je n'ai pas fait avec mes enfants ce que je veux, il faut à un moment donné que j'arrête de m'en faire par rapport à ce qui leur arrive à eux, puis ce qui arrive à mes parents, puis ce qui arrive aux autres. Je ne suis même pas capable de contrôler ma vie, fait que j'ai bien de la difficulté à voir comment je pourrais contrôler celle de mes enfants, celle de mes parents. Il reste que ça, c'est de façon mentale, ce que je dis est vrai. De façon égoïque, encore là, on est ramassé par l'égrégore d'un parent. Un parent ne peut pas se foutre de ce qui va arriver à son fils. Mais en réalité, c'est pas s'en foutre non plus. C'est pas s'en foutre, mais il n'y a rien à faire. Dans le sens que ce qu'il va vivre, il va le vivre. On peut, si on est capable de le guider de façon froide, je dirais, et rationnelle, c'est-à-dire par notre influence, bien plus souvent par ce qu'on est, ce qu'on est capable de démontrer, que ce que nous on est. Souvent, on va le teinter de notre façon d'être, ou notre façon de réagir, ou notre façon d'analyser les événements, ou notre façon de percevoir la vie, puis les problèmes de la vie. Mais si on veut imposer à quelqu'un d'autre, au lieu de démontrer ce que nous on fait, puis de demander si on pense que ce qu'on fait est logique et conséquentiel, de demander aux autres de nous copier, on n'a pas besoin de le demander, parce que si ce qu'on fait a l'air intelligent, la majorité des enfants le sont, ils vont le faire. Mais on va plutôt imposer, d'ailleurs je me souviens d'une phrase que mon père disait quand j'étais jeune, c'était « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Puis ça, c'était finalement, c'est souvent ça qu'on fait. En tant que parent, on va dire aux enfants, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça. Et puis si tu dis à ton enfant de ne pas boire du jus d'orange, pas du jus d'orange, mais une orangeade parce que c'est pas bon pour la santé, éteins ta cigarette avant. Il était transparent, ton père. Mais il faudrait qu'on éteigne notre cigarette avant de dire à l'enfant que c'est pas bon de boire du jus de l'orangeade. Fait que on n'applique pas tout nous-mêmes, donc c'est bien difficile d'imposer à l'enfant ce qu'il doit lui appliquer par rapport à nos valeurs de ce qui devrait être fait. Puis on en revient donc un peu aussi au respect. Oui. Parce que le jeune, souvent, lui, il ne se sent pas respecté dans une chose si tu lui dis « mange pas ça, fais pas ça, touche pas assez, mange pas ça ». Puis toi, tu peux te permettre tout, à ce moment-là, il manque de respect quelque part. Oui, il y a un manque de respect, mais il y a aussi, de la part de l'enfant, la même chose que l'adulte. C'est-à-dire que nous autres, on embarque dans un égrégore de ce qu'est un parent, et puis on agit selon les stéréotypes de ce que les parents devraient faire, et on se sent responsable comme des parents devraient se sentir responsables, sinon on n'est pas correct. Si la personne disait « mon fils s'en va dans le parc à 16 ans, puis ça m'inquiète, puis je m'en fous », ça ne marcherait pas. C'est que d'un côté, elle est reliée à l'égrégore d'une mère, puis que c'est normal qu'une mère s'inquiète. Si de l'autre bord, elle disait « ça ne me dérange pas, qu'il fasse ce qu'il veut », c'est pas mieux non plus. Je ne parle pas de délaisser, d'abandonner totalement, mais de réaliser que ça ne donne pas grand-chose de s'en faire. Remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est correct. Essayer d'agir de façon rationnelle, puis essayer d'avoir des discussions ou d'essayer d'ouvrir le sujet, c'est correct, mais sans faire, ça donne rien. Ça ne changera pas l'aboutissement de l'événement. J'aime une personne depuis quelques mois. Comment discerner entre émotion et sentiment? Je suis bien avec lui. Lui, je ne sais pas s'il l'est avec moi. Il ne me démontre rien. Je dois tout deviner. Je n'aime pas ça. Je veux lui dévoiler ce que je ressens pour lui. Par contre, quelque chose me retient. J'ai peur du ridicule. Que faire? On revient toujours au même phénomène. L'ego a peur que l'autre se nourrisse pas de sa présence. C'est clairement indiqué. On a peur de dire à quelqu'un « j'ai besoin de toi » si on n'est pas sûr que lui va nous répondre qu'il a aussi besoin de nous. Parce qu'on n'est pas certain de la qualité de la relation. Lequel des deux va faire le premier pas et dire à l'autre qu'il a besoin de... Il y a certainement des façons de s'exprimer qui sont plus faciles aujourd'hui parce que les gens sont majoritairement plus ouverts à entendre parler de différentes formes entendre différentes formes de discussion. Il y a des façons d'exprimer à quelqu'un que ce serait, pour nous, c'est agréable, sa présence est agréable. On s'en dit, je me nourris de ta présence, parce que là, il va se demander quelle sorte de vampire que je viens de rencontrer là. Mais que la relation est agréable, que ça fait plaisir de voir cette personne-là dans notre environnement, que c'est intéressant et enrichissant. Sans nécessairement toujours utiliser les mêmes mots possessifs, à savoir possessifs qu'on disait tantôt, comme « je t'aime », puis là, à ce moment-là, l'autre se sent, en même temps, on dirait qu'aussitôt que le mot « je t'aime » est terminé, il y a comme des menottes qui claquent, qui se ferment, puis ça veut dire « je t'aime, donc je te possède ». Et puis, tu dois également sentir la même chose. Alors que si je dis « j'aime la relation » que nous avons, ou j'aime ta présence dans mon logement, dans mon appartement, dans ma maison, dans mon environnement, Ça implique un peu moins de choses. C'est du respect dans le sens que je m'autorise, c'est de la transparence, je m'autorise, moi, à dire que je me sens bien à ta présence. Déjà là, c'est un pas en avant dans le sens que, au niveau de l'application de la transparence, parce qu'il faut être capable de le dire. C'est pas facile de dire à quelqu'un, je me sens bien à ta présence, parce que on a toujours la perception, on a toujours les questions en arrière de ce que nous, on va affirmer. On va affirmer, je me sens bien à ta présence, puis en même temps, on va s'interroger comment il va le prendre. Est-ce qu'il va penser que, est-ce qu'il va dire que, puis encore là, on en revient au même jeu de l'ego, là, de tout mémoriser, puis de nous faire une grosse ballonne émotive. Il faut s'autoriser ça parcelle par parcelle. Et puis si l'autre, si c'est pas réciproque, ben là, on décide. Si c'est pas réciproque, ça dépend. Est-ce que moi, je suis bien? Est-ce que mon ego est bien en sa présence? Puis, c'est pas grave si c'est pas réciproque. Ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut tout simplement bénéficier de la présence de l'autre, puis que l'autre, lui, se met pas à genoux, puis à nous dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais qu'on est bien quand même quand il est là, on peut en profiter, puis tout simplement être là jusqu'au jour où on décide que ça nous vaut plus, on veut plus ou on veut d'autres choses. Mais c'est pas obligatoire que les deux aient exactement au même moment les mêmes impressions, les mêmes sentiments un par rapport à l'autre. Mais est-ce si les que deux sont peut, bien. C'est ça, si les deux sont bien et les deux se respectent, est-ce que ça peut se développer? Oui, mais développer quoi? Est-ce qu'on enveloppe ou on développe? Est-ce qu'on va. C'est pas un cadeau. Est-ce qu'au fil du temps, les deux s'enveloppent plutôt? C'est-à-dire que les deux se mémorisent des moments et puis les deux s'obligent finalement à rester ensemble. Mais ça ensemble... Ou si on s'autorise à être bien, là... Mais par imprégnation, tout simplement. Bien, les sentiments vont finir par être de plus en plus fréquents, mais un sentiment, pour moi, c'est pas quelque chose qui peut être de meilleure qualité ou de moins bonne qualité. Un sentiment, c'est quelque chose qui est... Un sentiment, c'est un état d'être. Je suis... Vous avez déjà lu ces paroles-là dans un petit livre qui a été vendu à quelques exemplaires. Je suis, c'est les deux mots, je dirais, les plus lourds à porter. Être capable de, premièrement, si je suis capable de dire je suis, c'est que je ne suis pas. Parce que l'ego, il faut, si je suis, j'ai pas besoin de dire je suis. Quelqu'un qui est, il est. Dans la relation de couple, s'il y a un sentiment qui se vit, le moment où ça se vit, ça ne s'explique pas, ça ne s'augmente pas, ça ne s'achète pas, tu ne peux pas l'amplifier, tu peux juste l'être. C'est ça qui est insécurisant pour l'ego, parce que être, ça ne veut pas dire que je vais être dans 2 minutes, puis dans 5 minutes, puis que je vais revivre ça. Être, ça peut être en train de marcher sur le trottoir à Montréal et puis de voir tomber des flocons, puis regarder tomber les flocons. Juste ça, là. Ça, c'est être. C'est pas est-ce que les flocons sont gros, est-ce que les flocons sont beaux, est-ce que je vais faire mouiller mon manteau avec la neige. C'est pas ça. Beau dans le nord? C'est ça. Ah, ça doit être beau dans le nord. Là, on va pouvoir aller faire du ski. Ça, on est mort quand on est là. Vivre, là, c'est dire rien. La neige, elle tombe, tu regardes, la neige, elle tombe. C'est pas d'être un zombie puis être quelqu'un qui est inconscient. Au contraire, c'est la totale conscience. C'est le sentiment. Il n'y a presque pas de mots que j'ai réussi à trouver pour l'exprimer, parce que c'est vraiment être, c'est vraiment quelque chose à part. C'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas capable d'exprimer égoïquement. Il n'y a pas de mots pour un sentiment d'être-té. Si on est capable de reculer le plus loin possible dans notre enfance, sans nécessairement utiliser des grandes techniques, là. Mais se souvenir de ce qu'on a pu vivre, par exemple, au moment où, je ne sais pas moi, un adulte nous a pris dans ses bras pour nous emmener sur notre vélo la première fois qu'on a eu un vélo. Quoi. Être vivant, là, être réellement en train de vivre un événement plaisant ou déplaisant, mais... Normalement, ça ne dure pas longtemps. C'est vraiment instantané. Vivre un moment instantané. Regarder un paysage, puis se nourrir du paysage, c'est vivre. Si je me dis « Ah, que c'est beau », c'est déjà plus ça. ceux qui essaient de qui font du reburn, qui essaient de revivre ce qu'ils étaient quand ils étaient bébés, est-ce que c'est vivre des émotions ou c'est vivre des sentiments à ce moment-là qu'ils vivent? Ça devrait être une copie de sentiment, c'est-à-dire une émotion qu'on va aller rechercher. Parce que le sentiment ne peut pas être enregistré, le sentiment pur ne sera pas enregistré dans l'ego. L'ego ne l'aurait enregistré parce que quand on fait du rebirth, on remonte dans l'astral ou dans l'ego. À ce moment-là, on va être capable seulement d'aller revivre quelque chose qui a été enregistré dans l'ego, puis ça ne peut pas avoir été enregistré autrement qu'avec émotion. Si on est capable d'aller dans les annales akashiques à des niveaux plus élevés, où il y a de moins en moins d'émotions, des hauts niveaux spirituels, puis aller vivre là, un événement, bien, ça va ressembler plus à un vrai sentiment, sauf que le sentiment de fœtus ne sera peut-être pas nous autres. Mm-hmm. Il ne sera pas nécessairement moi en tant que fœtus, mais je peux aller goûter à ce que c'est le sentiment d'être un fœtus. Mais est-ce que ce sera le mien ou celui d'un autre? Si tu vas dans les annales akashiques, tu ne sais pas vraiment dans lequel tu seras. Si tu le fais par rebirth dans l'ego, ça ne peut être qu'avec une saveur émotive. Comment faire passer le besoin de vengeance chez un Teflon? Comment lui faire comprendre l'inutilité de la révolte face à des adultes anciens et Jéhovah par surcroît? Vous avez des questions aujourd'hui? Les Teflons sont à la mode? Oui, c'est ça. Faire comprendre l'inutilité de la révolte face à des adultes anciens. Jéhovah par surcroît, pour moi, un enfant Teflon pur n'en ferait pas de différence. Un enfant Teflon pur, que tu sois catholique ou Jéhovah ou n'importe quoi, je pense pas qu'il soit facilement teintable de ce que la personne porte comme religion ou comme couleur de peau. Sauf s'il peut manipuler l'autre personne. Oui, sauf s'il peut s'en servir comme arme, là, oui. Mais sinon, que lui, ça le touche vraiment, je pense pas que ça le touche. Un enfant Teflon qui est révolté, c'est un enfant Teflon qui, lui, se sent lésé par rapport à son respect. Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne avec qui il vit ou face à qui il vit cette révolte-là, pour elle, a manqué de respect envers lui. Un parent peut se sentir parfait puis avoir agi correctement tout le temps. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un parent qui soit suffisamment imbécile pour faire volontairement des erreurs. Il n'y a pas d'erreur dans le comportement. On agit comme on est capable d'agir, puis comme ce qu'on sait, ce qu'on a comme information, et on fait toujours du mieux qu'on peut. Même si on fait une erreur, on sait toujours après que c'était une erreur, on ne sait jamais avant. Fait qu'au moment où on agit, au moment où on a une discussion avec un enfant, ou on établit une relation avec un enfant, on le fait vraiment dans le mieux qu'on peut le faire. Fait que, vu du point de vue de l'enfant, ça peut être révoltant, la façon d'agir. Il peut, lui, sentir un manque de respect. Mais il ne faut pas que la personne, encore là, que le parent se culpabilise en disant « c'est moi qui ai amené cet état-là ». C'est pas vrai. C'est la différence entre les deux qui a amené l'état. Mais si l'enfant avait été pareil comme le parent, ça ne serait pas arrivé non plus. Il n'y aurait pas eu de révolte. Fait que c'est seulement la différence entre les deux qui fait une situation qui est compliquée. Si les deux étaient identiques, il n'y en aurait pas de problème. Mais là, il y a une différence, et puis les deux font du mieux qu'ils peuvent, puis les deux ne s'entendent pas. Fait que, soit qu'on essaye de se transposer dans les souliers de l'autre, puis je considère que dans n'importe quelle forme, que ce soit avec un enfant ou avec un adulte, n'importe quelle forme de relation qui tente à devenir envenimée, c'est toujours la façon la plus facile, en tout cas, la plus vite pour comprendre les sentiments de l'autre, c'est d'essayer de se placer, de se mettre à sa place. Donc, vu de son point de vue, le connaissant comme on le connaît, cet enfant-là, avec ce que vous lui connaissez comme façon d'agir, façon de réagir, tout ça, si vous étiez à sa place, comment vous agiriez-vous face à ces adultes-là? Exactement, essayer de rentrer dans sa peau pour essayer de sentir exactement comment lui vit. À partir de là, il y a déjà un bon rapprochement qui est fait, puis c'est plus facile de devenir complice, comme Daniel l'a dit dans ses bouquins, de devenir complice de l'enfant. Et puis, s'il est suffisamment... À partir du moment où vous aurez fait cette étape-là, la majorité des enfants, je crois, acceptent de faire le chemin inverse. C'est-à-dire, maintenant que l'adulte a fait son bout de chemin, puis est essayé d'aller rejoindre l'enfant dans ses souliers à lui, est-ce que l'enfant pour faire l'inverse avec l'adulte. Il peut aller se placer du point de vue de l'adulte dans la relation entre les deux. Puis à partir de ça, entre les deux, c'est de trouver un compromis. Mais comme c'est une question teflon aussi, je vais la... Il n'y a pas d'autres développements que Daniel pourrait amener. Comment peut-on réduire l'émotion générée par un événement? En essayant de rester vivant. Rester vivant, je reviens encore à ce que c'était tantôt, être. Rester vivant, c'est pas avoir un cœur qui bat et des poumons qui respirent. C'est rester vivant dans sa conscience. Quand j'utilise le terme être vivant, c'est ça. Donc, réussir à réduire l'émotion générée par un événement, c'est être capable d'observer l'événement comme un observateur, et non pas comme quelqu'un qui en est qui est impliqué émotivement dans l'événement. S'il arrive un accident, par exemple, d'automobile, et puis que on se ramasse sur le toit dans le fossé, et puis que je vois que j'ai un de mes fils qui est crabouillé dans le coin en dessous d'une pièce qui est lourde, si je m'énerve pendant l'événement, je ne réussirai pas à l'aider, ou en tout cas beaucoup moins. Parce que si je m'énerve, je ne saurais plus si on est en dessous. Puis ça, je connais des personnes qui ont déjà vécu un accident du style, et puis effectivement, ils ne savaient plus s'ils étaient la tête en bas, la tête en haut, parce qu'ils étaient dans de la neige assez profonde, puis le tour avait fait plusieurs culbutes. Et puis c'est de l'énervement qui a failli tuer tout le monde, parce que les gens ne savaient plus quoi faire, ils paniquaient, c'était la panique. Donc si un événement arrive, et puis qu'on le vit avec panique, on ne peut pas, en même temps qu'il y a la panique, qu'il n'y a pas d'intelligence. On n'est pas capable de raisonner, et puis de trouver une solution. Donc le meilleur moyen, c'est d'essayer de s'imaginer, pour un court instant, qu'on est observateur de la scène. Et puis qu'on n'est pas là, nous. Donc il y a une engueulade entre moi et ma femme, si je suis capable, pendant une fraction de seconde, m'imaginer être au-dessus puis observer les deux qui s'engueulent, déjà là, il y a un détachement. Il y a un discernement entre ce qui se vit et puis ce qui peut se vivre autrement. Ça fait que il y a une observation qui peut se faire du haut. Et puis le discernement ferait en sorte de réduire l'émotion à ce moment-là, parce qu'on va discerner entre l'intelligence et l'émotion de l'ego. Mais il faut avoir suffisamment de puissance, ou est-ce que faut que l'ego accepte plus facilement quand même, quand il se replace dans la personne qui est plus l'observateur, d'arrêter ça, parce que ça demande quand même suffisamment d'énergie. Oui, ça prend de l'énergie, ça en donne aussi beaucoup. Ça va en prendre sur le moment, c'est-à-dire au moment où l'intelligence va prendre la place de l'ego, ça prend de l'énergie, égoïquement. L'ego va dépenser de l'énergie, va sentir que s'il vient de se passer quelque chose dans son intérieur, puis ça va brasser. Mais tout de suite après, si on est capable de conserver cet état-là, et puis ne pas s'en vanter, il ne faut pas après ça, après qu'on a évité une engueulade entre deux individus, là, si l'ego prend le dessus, il veut dire, ah, as-tu vu, parce que j'étais intelligent, on ne s'est pas engueulé. Là, on n'a rien compris. On a tout perdu, qu'est-ce qu'on a de gagné. Il faut vraiment utiliser l'intelligence quand on en a besoin. D'ailleurs, à force de faire ça, on va finir par en être. Mais l'utiliser et ensuite conserver le bénéfice pour soi, ça ne donne à rien de dire à sa conjointe, « Bon, c'est moi, par mon intervention intelligente, qui ai évité la bataille. Bang! » Tu vas recevoir l'autre poil teflon que tu avais poursuivi. Ah oui. Est-ce que la fierté est une émotion ou sentiment? Voir exemple, déception du résultat scolaire, enfant versus fierté du résultat. Est-ce nocif? La fierté, c'est pas nocif, pas plus que la déception, dans le sens absolu. C'est-à-dire que si on est capable d'avoir les deux, bon, ben les deux vont être coûteux, toutes les deux, en énergie. Ça donne, si je suis fier de mon résultat scolaire, ça donne rien d'en être fier. On peut observer et voir qu'on a eu un bon résultat et trouver ça utile parce que ça va me porter à un autre palier plus rapidement que si je coule et je vais recommencer mon année. Ou si je suis avec un professeur avec qui je m'entends mal, bon, j'ai hâte de passer au grade supérieur. C'est que ça peut amener une certaine forme de fierté pour bien des points. Mais si c'est une fierté égoïque, dans le sens de dire je suis le meilleur de la classe, je vais prouver à mon père que j'ai toujours été meilleur et que je suis toujours le meilleur, Ça, c'est vraiment pas ce qui est énergisant. Dans le sens que la personne qui vit ça, finalement, elle n'est pas transparente avec elle-même parce qu'elle n'a pas ce résultat-là pour elle. Parce que c'est utile pour elle. Mais elle a ce résultat-là parce que c'est plaisant pour quelqu'un d'autre. Donc, l'enfant qui vit de fierté pour ses notes scolaires, s'il ne vit que de ça, majoritairement, si un enfant finit par se dire « il faut absolument que je fasse plaisir à mon père, puis si j'ai 92, je lui fais de la peine, donc je suis malheureux », c'est le style de l'enfant ancien qui vivrait comme ça. Ça ne veut pas dire, par contre, de ne pas être heureux de voir que son père est satisfait de son résultat scolaire, mais être fier, dans le sens où je pense que la question est écrite, être fier du sentiment, ça veut plutôt dire se flatter dans les résultats. Okay. Ça, c'est nocif. Ça, pour certains, la fierté, ça peut être quand même perçu comme un sentiment d'être heureux, d'être bien. C'est ça. Dans ce sens-là, c'est pas positif, mais c'est correct. Mais dans le sens flatterie, là, à ce moment-là, c'est du sentiment. C'est pas du sentiment, c'est de l'émotivité égoïque. Et puis là, on s'oblige à continuer à être comme ça, si on le fait de façon égoïque. On s'oblige, parce que si la personne a eu 92, par exemple, pour 100, puis qui montre son bulletin à son père, et qui en est fier, et qui s'en flatte, et que son père en parle à tout le monde, là, l'enfant est obligé d'avoir 92 la semaine d'après ou le mois d'après, il n'y a pas le choix. Parce que là, ça va être la désillusion. S'il rentre avec 74, oh! C'est pas le même fils que j'avais le mois passé. Fait que là, le père vient, qui se transpose, ou là, je prends l'exemple d'un père parce que c'est plus facile pour moi, mais le père qui se transpose dans son fils et puis qui dit, il a 92, c'est bien sûr, il me ressemble. Le mois, il va dire quoi le mois suivant à se faire le 14? Fait que la relation va être plus compliquée. Là, il ressemble à sa mère, ce petit-là. J'imagine facilement le scénario. Ah oui. Comment laisser place au sentiment sans accumuler l'émotion? Le sentiment doit être vécu, il ne doit pas être mémorisé. Donc, si on veut laisser place au sentiment sans accumuler l'émotion, il faut tout simplement vivre le sentiment, puis après que c'est fini, on n'en parle plus. Donc si on en reparle, c'est là qu'on va accumuler l'émotion. Si on raconte à ses amis ce qu'on a aimé de notre voyage, si on le revit nous-mêmes en mémoire à maintes reprises, on accumule l'émotion. Comment laisser place au sentiment? C'est tout simplement lui laisser place. Je ne peux pas répondre mieux que de dire exactement ce que vous avez dit. Laisser place au sentiment, le laisser être, ce sentiment-là, puis après qu'il est passé, c'est fini. Et puis, on n'a plus à vouloir le recréer, parce que, dites-vous toujours que toutes les fois que je suis émotif et que je me rappelle quelque chose que j'ai vécu, ça m'empêche de vivre actuellement quelque chose d'autre. Mm-hmm. On ne peut pas vivre les deux en même temps. Je ne peux pas vivre un sentiment et une émotion simultanément. Exactement. Pas de la même nature. Si aujourd'hui, si au moment où je suis assis là, je revis une mémoire, une émotion que j'ai déjà vécue, un événement qui m'a fait plaisir, ça m'empêche de goûter à ce que je vis là. Je ne peux pas être les deux en même temps. Ça fait que laisser place au sentiment sans accumuler l'émotion, ça veut dire laisser faire l'émotion, puis ça va laisser place au sentiment. Mais ça n'empêche pas quand même que l'émotion reste là pareil. Quelqu'un qui a vécu plein d'émotions, qui s'en est nourri régulièrement, s'en nostalgisant, en les racontant, mais comment il fait après ça pour digérer ces émotions-là? Ça va se faire tout seul. On n'a pas à travailler pour défaire ces émotions-là dans le sens travail, puis dire, bon, ben là, aujourd'hui, je vais détruire les émotions que j'ai vécues entre 12 et 14 ans. On a juste à vivre ce qu'on a à vivre au jour le jour, à la minute près. Et puis, en vivant ces sentiments-là, on va cesser de revomir nos vieilles émotions, puis d'aller chercher dans nos mémoires, puis de les brasser. Puis, tout ce qui est dans l'ego continue de vivre seulement parce qu'on continue de l'exprimer. Si on arrête d'y penser, puis si à chaque fois que ça veut refaire surface, on est en train de vivre un autre sentiment, puis il n'y a pas de place pour l'émotion, parce qu'on est vivant, on est en train de vivre quelque chose, à ce moment-là, la cassette là, d'émotions qui va essayer de prendre son tour pour venir nous faire jouer le petit film de ce qu'on avait vécu comme événement, elle va finir par tout simplement s'oublier, ça va se défaire, ça va se dissoudre, parce qu'elle n'aura pas l'occasion, l'émotion n'aura pas l'occasion de refaire surface. L'émotion n'ayant pas l'occasion de refaire surface, elle va oublier qu'elle existe. Puis ça, on n'y pensera plus. De moins en moins. Tantôt, on parlait un peu des enfants téflons. Les enfants téflons, ils manipulent beaucoup au niveau des émotions, mais eux, est-ce qu'ils sont de grands viveurs d'émotions aussi, ou s'ils touchent, ils se rapprochent un peu du sentiment? L'enfant téflon est plus près du sentiment que de l'émotion, de nature, de base. C'est sûr que selon son degré de teflonnerie, je dirais, il va être plus ou moins manipulable face à l'environnement. Puis s'il n'est pas trop teflon, il va finir par être plus émotif que sentimentique. Mais un enfant teflon pur serait beaucoup plus près de ses sentiments que de ses émotions. Parce que on dit que l'enfant teflon est difficilement manipulable. Il est difficilement manipulable parce qu'il n'est pas émotif. Si tu n'as pas d'émotion, je peux pas facilement te manipuler. Je peux pas te dire « viens avec moi si tu m'aimes ». Si tu dis « je suis bien avec toi, mais si tu veux y aller au cinéma, vas-y ». Tant qu'on est habitué de vivre avec les émotions, on a des difficultés à s'imaginer ce que pourrait être une vie sentimentique. Mais imaginons le scénario, on peut utopiser. On est toutes les deux, mari et femme, on regarde la télévision, puis... toi, tu décides d'aller voir un film au cinéma, tu y vas, puis moi, je vais continuer à regarder mon film. S'il n'y a pas d'attachement émotif, s'il y a juste une bonne qualité de vie, on s'entend bien, et puis tu dis, bon, moi, j'ai le goût de faire ça, puis moi, ça ne me tente pas du tout. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut vouloir accompagner l'autre de temps en temps, simplement parce que ça ne nous dérange pas, entre guillemets, mais on n'ira pas nécessairement en disant, parce que ça te tente, je vais y aller. Parce qu'à un moment donné, on se remet ça sur le nez, ces affaires-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment conscience au moment où on le vit, mais on finit par inconsciemment accumuler dans nos mémoires, l'ego, des parties de vie qu'on s'est laissé manipuler par l'autre. Il nous a emmenés au restaurant qui ne nous tentait pas. On est allé manger du mets italien, on aurait le goût d'aller au Saint-Hubert. On est allé pareil parce que je l'aime, parce qu'il m'aime. Puis on agit souvent comme ça, c'est-à-dire, il n'y a pas de négociation, on fait juste, on suit. On se donne sans vraiment se donner. On n'est pas vraiment transparent quand on tolère d'aller dans un endroit plutôt que de dire à l'autre, écoute, j'ai vraiment pas le goût d'aller manger les mets italiens, mais si tu as vraiment le goût d'aller manger ça, on va y aller quand même. Moi, je vais prendre un jus d'orange, puis on ira manger Saint-Hubert après, tu m'accompagneras. Enfin, ça peut se faire. Une soirée au restaurant. C'est vraiment une soirée au restaurant. Si tu as deux enfants, puis il y en a un qui va aller au McDonald's en plus. Mais c'est vraiment une vraie soirée au restaurant. Tu commences à 8 h le matin avec les enfants. C'est ça. Mais il faut être capable à un moment donné d'arriver à faire ça. Ou dire, OK, aujourd'hui on va là, mais la fois prochaine on ira ailleurs parce que j'ai pas le goût, moi. J'ai vraiment pas le goût d'aller faire ça. Je le fais pour te faire plaisir. Seulement, puis les conditions sont clairement établies, je suis transparent, j'ai pas le goût d'y aller. Possiblement que là, l'autre personne va dire, sais-tu, dans le fond, je tiens pas tant que ça. Fait que souvent, il y a des choses qu'on fait, qu'on n'a pas le goût de faire, puis qu'on fait pareil parce qu'on se sent obligé par rapport à l'autre. Et si on admettait ça, si on disait ouvertement à l'autre ce qu'on en pense, peut-être que l'autre dirait, on s'est amené de la pizza, finalement, on va rester à la maison. Mais tout ça vient briser un peu la fameuse théorie qui dit des fois que quand un couple se chicane, c'est bon signe. Ouais, ça dépend. Ça dépend pour qui. pas se battre. Ça dépend. Je suis sûr que tous les avocats seraient d'accord avec ça, parce que s'il n'y avait pas de couple qui chicane, il y en a beaucoup qui crèveraient de faim. Mais... d'ailleurs, il y a à peu près 50% des mariages qui tournent en divorce depuis quelques années. Ça fait qu'on peut pas dire que c'est un phénomène qu'on doit pas tenir en compte. Mais la chicane dans un couple, si c'est de la chicane émotive, ça n'a pas de raison d'être. Des échanges, des discussions énergétiques. Moi, j'ai déjà eu un échange avec un ami. Puis tous ceux qui étaient alentour, je suis à peu près sûr qu'eux pensaient qu'on s'engueulait. Nous deux, on savait qu'on s'engueulait pas. On se parlait avec tellement d'énergie, c'était rendu suffisamment haut. Ce qu'on exprimait à l'autre, c'était vraiment ce qu'on voulait dire. Il y avait pas de... On était vraiment transparent. C'est-à-dire que si moi, j'avais une forme de... Si je voulais le pousser énergétiquement, comme on disait tantôt, comme faire une colère mentale, finalement, faut pas se retenir, faut pas fouler nécessairement ces expressions-là. Mais au moment où on le vit, au moment où on veut transmettre quelque chose, si on a le goût soudain d'élever la voix et de le transmettre avec plus d'énergie, il faut être capable de le faire avec des gens qui sont capables de comprendre que ce timbre de voix-là n'est pas un timbre de voix égoïque ou émotif. Je suis pas choqué, je te parle fort parce que je veux que tu comprennes. Ça, c'est bien différent. Puis dans le timbre de voix, ça doit être différent. Dans les mots aussi, ils sont différents. Parce que je n'utiliserai pas des mots qui te blessent si je te parle fort. Si je te parle fort et intelligemment, je vais utiliser des mots que je dois utiliser pour que tu comprennes. Si je te parle fort égoïquement, émotivement, je vais volontairement utiliser des mots qui te blessent. Parce que c'est par ça que je vais te manipuler. Ça, c'est de l'engueulade. Ça, pour moi, ça n'a pas de raison d'être. Parce que dans une engueulade, il y a la plupart du temps la démolition d'un des deux. Parce que tu ne peux pas sortir, il y a rarement deux vainqueurs au bout d'une engueulade. Il y en a un qui va se sentir abattu par rapport à l'autre, puis celui qui va avoir eu le dessus, comme ce sont deux égaux qui se sont engueulés, celui qui va avoir écrasé l'autre va se sentir, lui, énergisé d'avoir gagné. Même s'il ne l'exprime pas, il va quand même avoir conscientisé que c'est lui qui a vaincu. Et puis là, ça veut dire que la prochaine engueulade, elle va déjà être plus forte. Parce que celui qui a gagné l'engueulade précédente, il veut se renourrir du même sentiment de force, de puissance. C'est vraiment de l'énergie gaspillée. À ce moment-là, c'est qu'il s'est déjà placé à un niveau énergétique supérieur, si mémoriellement il retrouve. Ben oui, ça. Il se replace tout de suite dans le même contexte qu'il était à la fois précédente, et puis il va commencer à engueuler avant même que l'autre ait amené les ingrédients qui devraient stimuler chez lui la colère. Mais à ce moment-là, il se prépare à s'engueuler. Est-ce qu'on peut considérer que l'émotion peut être un support énergétique pour certains? Oui. Mais comment à ce moment-là, elle peut en même temps gruger? C'est le même phénomène que la cigarette. On va dire que la cigarette agit de deux façons. Il y a une drogue qui est dans la cigarette qui fait en sorte que ça va te calmer pour quelques instants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va fumer. On va dire ben ça me calme. Mais tout de suite après, ça t'énerve. Donc, il y a un sentiment inverse. Dans l'émotion, c'est la même chose. La drogue qui est amenée, qui est sécrétée, fait en sorte que ça t'énergise en apparence. Et puis, tout de suite après, tu as une faiblesse parce que tu as dépensé beaucoup trop d'énergie par rapport à ce que tu étais capable d'exprimer à ce moment-là. Les personnes qui vivent des problèmes d'hypoglycémie vont, par exemple, arrêter d'acheter une barre de chocolat au dépanneur le plus proche parce qu'ils se sentent devenir faibles. J'ai vécu ça souvent. Ça donne absolument rien. Ça t'énergise beaucoup pendant une demi-heure, mais une demi-heure plus tard, tu es bien pire que tu étais avant. Ça t'amène ce qui te manquait en quantité déraisonnable, et puis après ça, ça te replace dans un autre état de manque qui est encore pire. Et qu'au niveau de l'émotion, c'est la même chose. C'est pas l'émotion qui doit énergiser. Si on est capable, par exemple, si on est toutes les deux en train de s'engueuler, et puis qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui devient suffisamment lucide pour se rendre compte qu'il y a une engueulade qui est en train de se passer, puis comme je disais tantôt, qui est capable de se transposer, imaginez-vous le projeter en dehors de votre corps, puis regarder l'événement. C'est complètement ridicule ce qu'il fait là. Tu vois deux personnes qui se garochent des mots, là, parce que s'ils pouvaient se les lancer avec force, ils le feraient. Et puis, qui sont en train de s'engueuler. Là, à ce moment-là, tu redescends. Puis là, tu dis, bon, ben moi, j'arrête ça. Fait que là, il s'agit que l'intelligence soit assez forte pour être capable d'arrêter ton ego de s'exprimer. À ce moment-là, l'autre qui est en train de gueuler, il va finir par arrêter. Il n'y a rien de plus plate pour un ego violent que de parler tout seul. S'il engueule le mur, à un moment donné, je parle pas de faire exprès là, pour dire je n'entends plus, je n'écoute plus, ça va peut-être être pire. Mais juste être soudainement calme devant l'autre. Il te parle, tu réponds, mais tu es calme. Il n'y a pas une personne qui va être capable de rester choquée. J'ai jamais vu quelqu'un qui est choqué parler à quelqu'un qui est calme puis rester choqué. Soit que celui qui est calme va choquer aussi. Mais si on est capable de faire l'inverse, c'est-à-dire de passer de l'état de violence à l'état de calme, à ce moment-là, on va emmener l'autre avec nous, à l'état de calme. Sans être un calme nargueur non plus. Non, c'est ça. Parce que ça, encore, narguer, ça serait stimuler chez l'autre un peu plus de violence et un peu plus d'émotion. Parce que c'est utiliser les points faibles. Si on sait que l'autre n'est pas capable de souffrir notre silence et qu'on utilise cette tactique-là, ben là, c'est vraiment pas génial non plus parce qu'on va juste mettre un peu de sens sur le feu. Une personne qui peut arriver, par exemple, à faire ce cheminement-là que tu m'indiques, qui passe donc à un état beaucoup plus près du sentiment, c'est ce qu'on peut appeler une personne qui est transitive, dans le cheminement transitif par rapport à l'homme nouveau. Mais l'homme nouveau, lui, le sentiment, finalement, c'est une association à l'intelligence. Oui. Puis qu'est-ce que ça apporte, finalement, le sentiment chez l'homme nouveau? Et ça va amener une autre forme d'énergie, qui est d'un degré différent. On sait que pour passer d'un homme ancien à un homme transitif, à un homme nouveau, on va changer notre information génétique, on va changer les taux vibratoires dans nos cellules. Le sentiment amène une énergie qui est différente de l'émotion. Et plus ce sentiment-là va être exprimé, c'est-à-dire plus il va y avoir de sentiments versus émotions, donc moins d'émotions, plus on va s'énergiser. Tout ça va faire en sorte qu'on se rapproche de l'homme nouveau avec une facilité plus grande dans la pratique, en appliquant des choses. Dans le même sens, si on applique la transparence, on désénergise notre ego, c'est-à-dire qu'on empêche l'ego de se servir de nos faiblesses ou de ce que nous, on considère comme une faiblesse actuellement, pour nous faire sécréter des hormones, donc nous faire dépenser de l'énergie. Si on applique bien la transparence, à ce moment-là, on applique de moins en moins l'émotion et on est de plus en plus sentimentique et de plus en plus énergisé. Si on applique bien la transparence, oui. Y a-t-il une façon de l'appliquer mal? Oui, bien, une façon de l'appliquer mal, c'est-à-dire de ne pas l'appliquer totalement. L'appliquer mal, la transparence, c'est de l'appliquer de temps en temps quand ça fait plaisir à l'ego. Si je sais, par exemple, que l'être qui m'habite est fort en mathématiques et que je ne laisse transparaître que cela, ah ben là oui, c'est mal appliquer la transparence, parce que c'est énergiser davantage l'ego. La transparence, c'est la transparence. Ça veut dire ce qui est fort, ce qui n'est pas fort, ce qui est comme l'ego le voudrait, puis ce qui n'est pas comme l'ego le voudrait, tout ce qui est à l'intérieur. Si j'ai une peur par rapport à un événement, je suis capable de la transmettre, donc ça c'est être transparent. Par contre, si c'est une qualité, il faut aussi être capable de le faire. Faut jamais tomber dans l'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est pas laisser seulement transparaître ses défauts, ni seulement ses qualités, mais laisser transparaître la totalité. Si on en laisse transparaître juste un peu, à ce moment-là, il y a des possibilités qu'on énergise davantage certaines parties de l'ego. Parce que finalement, tu ne montres pas non plus ton vrai, l'être que tu es. C'est ça, c'est comme si je te dirais, je vais te montrer la vraie photo de moi, mais que je t'en montre juste un bout. Je le mets dans les couleurs que je veux, puis je le teinte toujours de toute façon. Donc, c'est jamais vrai. C'est jamais vraiment ce qu'on est ou ce qu'on peut être. L'homme transitif qui, par exemple, va appliquer de plus en plus la transparence, ça va l'énergiser parce qu'il s'autorise à être. Mais est-ce qu'il peut se faire têter plus facilement comme ça? Il va se faire têter plus facilement dans le sens que être transparent, c'est avouer partout où je peux me faire attraper, partout où sont mes faiblesses, mais ça va durer moins longtemps, dans le sens que des personnes vont te manipuler par ça, mais être transparent, ça veut aussi dire devenir intransigeant. Parce que comme tu es transparent, tu deviens de moins en moins patient par rapport aux autres. Tu deviens de plus en plus intransigeant par rapport à des manipulations, parce que tu vois les manipulations. Tu vois quelqu'un qui te manipule par ton point faible. Si tu es assez transparent pour avoir laissé passer ton point faible, tu es aussi assez lucide pour voir que quelqu'un est en train de s'en servir. Puis ça amène vers l'intolérance. Puis c'est pas long que la transparence amène à l'intolérance, et bien à ce moment-là, il y aura une coupure drastique entre celui qui tête et celui qui se fait manipuler. Mais à ce moment-là, l'intolérance, n'est quand même, c'est pas relié à une émotion. Non, c'est de l'intolérance illogique, inintelligente. C'est-à-dire que tu vois que, comme dans l'exemple que je disais dans la première partie de conférence, tu vois un adulte qui prend un morceau d'un bout de bois puis qui frappe un enfant, que tu réagis spontanément à ça, c'est de l'intolérance, de face à l'absurde, face à quelque chose qui ne devrait pas être. Fait que c'est pas de l'intolérance violente, c'est-à-dire que si, par exemple, on a une relation toutes les deux, puis que tu sens que je te manipule par un certain point, et puis que tu m'amènes c'est-à-dire que tu me verbalises ton désaccord par rapport à ça, et que tu vois ce que je fais et que tu ne veux plus que je le fasse, et que tu ne le laisseras pas faire, ça ne veut pas dire qu'à tous les jours, tu dois me remémorer qu'un jour, j'ai essayé de faire ça. Si moi, je change en tant qu'individu, c'est-à-dire si je réalise ce que tu me dis puis que je te manipule par ton point faible et puis que tu me l'as exprimé, et puis que j'ai compris, puis que j'arrête. Donc, il n'y a pas d'émotion à ce moment-là. Tu auras simplement transmis l'information, dit « arrête ce jeu-là, je te vois jouer, j'aime pas ça ». Puis si moi je suis capable de respecter ça, s'il s'établit un respect, c'est pas émotif. Ça deviendrait émotif si ça devenait une passion ou une obsession de toujours répéter la même chose aux mêmes personnes, puis dire « ah, toi, tu me manipules toujours de la même façon ». Ça, c'est une niaisage. Si tu vois qu'une personne te manipule toujours de la même façon, tu te changes, débarrasses de personne ou tu arrêtes d'en parler. Mais il y a un moment donné où, si tout le monde frappe toujours, si la même personne frappe toujours au même endroit où ça blesse, il faut qu'elle arrête et qu'elle arrête. Si elle n'arrête pas, ben pour s'en débarrasser ou changer son train de vie. Donc, l'intransigeance, c'est un peu le synonyme du respect. Oui. D'être respecté. Mais le respect, respecter les autres, c'est respecter soi avant tout. Oui. C'est donc aussi se reconnaître. Mais comment une personne peut arriver à discerner vraiment ce qu'elle est? Voir ce qu'on est vraiment, c'est à peu près impossible tant aussi longtemps qu'il reste une parcelle d'ego. On peut avoir des idées, on peut avoir des impressions, on peut avoir des sensations de ce qu'on est, parce qu'on peut avoir des surprises de temps en temps, des bonnes ou mauvaises, mais par rapport à on a agi comment en tant qu'être humain, dans un état instantané, je dirais, vous conduisez votre voiture, puis à un moment donné, il y a une autre voiture qui vous coupe le chemin, vous réussissez à en faire le tour très rapidement, très facilement, c'est vraiment l'intelligence qui vient de conduire. En tant qu'ego, on peut se demander comment j'ai fait pour passer à côté, etc. Fait qu'on peut être impressionné des fois du geste qu'on a posé, soit de ce qu'on a dit. Vous allez faire un discours quelque part, puis quand vous finissez le discours, vous avez à présenter un produit à des nouveaux clients, vous sortez de là, puis vous dites, je lui ai dit des affaires que je ne savais même pas avant d'entrer là. Vous pouvez être impressionné de ce que vous avez dit aussi, dans le sens pas se mettre à genoux devant ce qu'on a dit, mais impressionné du résultat, dans le sens agréablement surpris. Aussi, des fois, c'est l'inverse, mais ce qu'on est vraiment, on ne le verra que lorsqu'on sera totalement transparent. Puis lorsqu'on sera totalement transparent, il n'y aura plus d'ego. Ce qu'on sera vraiment, ça ne nous dérangera pas. Ça ne nous fera ni plaisir, ni malheur. On sera ce qu'on est. Avec l'acceptation totale, qui n'est pas une soumission, mais qui est une reconnaissance. Se reconnaître, c'est vraiment pas juste se trouver, mais se reconnaître, ça veut dire s'autoriser à être. S'autoriser à naître, s'autoriser à vivre totalement, purement, sans attente. L'ego n'a aucune idée. Notre ego, individuellement, nos égos n'ont aucune idée de ce qu'on est vraiment. Donc, la vibration que certains peuvent ressentir, des fois, ils peuvent dire, j'ai quelque chose que je vibre, que je sens que c'est moi. Est-ce que c'est un leurre de l'ego ou si il y a quand même une parcelle de vérité à dire? Il y a fort probablement une parcelle de vérité parce que sentir qu'on est quelqu'un ou quelque chose à l'intérieur de soi ou sentir qu'on serait capable, souvent, on va le voir dans les yeux des autres. C'est-à-dire que je pourrais te rencontrer, puis dans ton regard, on a une relation d'affaires, disons, puis dans ton regard, je perçois que lorsque je te rencontre, ça m'énergise parce que tu as l'air à me percevoir comme quelqu'un de vraiment important. Si toi, tu perçois ça chez moi, c'est qu'il y a probablement à l'intérieur de moi quelque chose qui l'est vraiment. Pas important, entre guillemets, au sens égoïque, mais quelque chose d'impressionnant pour un ego. Quelque chose qui est plus puissant que ce que l'ego pense qu'il est. Parce que pourquoi on se sent petit dans nos souliers, des fois, si on s'en va dans une rencontre ou si on va passer une entrevue ou on rencontre qui que ce soit, on ne devrait jamais se sentir petit. Parce qu'en tant qu'intelligence, on est tous intelligents, identiques. Il n'y a pas une intelligence plus belle, plus forte, plus fine qu'un autre. Donc, si on a le moindre sentiment d'infériorité par rapport à n'importe qui, c'est qu'on ne se perçoit pas, on ne se reconnaît pas. Puis il ne faut pas non plus aller dans le sens inverse. Si je ne suis pas capable de reconnaître ce que je suis, si je ne suis pas capable de l'exprimer, il ne faut pas que je m'égoïse en disant « il n'y a personne de plus fort que moi, vu qu'on est tous fort égal. » Parce que là, je tomberais dans l'autre excès qui est d'être égoïste au point de dire « je suis puissant alors que je ne le suis pas encore. » À l'intérieur, je peux l'être. C'est-à-dire que l'intelligence peut être puissante par rapport à mon ego. Mais l'intelligence, elle, ne se considère pas puissante. Elle est ce qu'elle est. Purement. Donc, ce que l'individu, ça, l'esprit, ça se sent. Un esprit, c'est pur, c'est pas. Ça n'a pas de perception de soi. L'esprit ne se qualifie pas. Il ne se qualifie pas de solide, de puissant, d'impuissant. Il ne se qualifie pas. L'esprit, il amène quelque chose, il amène l'information, l'intelligence, l'énergie, purement et simplement. Mais une personne qui se perçoit, par exemple, puissante, ou qui découvre chez elle des choses qu'elle refusait par le passé, ça peut lui être un outil pour lui permettre d'accéder à un niveau supérieur d'énergie? Ou si elle doit totalement s'en désassujettir pour arriver à grimper d'une autre manière? Dans les petites choses, sont les plus grandes choses, si on applique les mécaniques qu'on mentionne à l'occasion, comme on mentionnait ce soir, la transparence, par exemple, toutes ces mécaniques-là que vous avez pu apprendre en faisant différents cours, différents séminaires, du yoga, des techniques PMC, etc., dans l'application de ces techniques-là, de n'importe laquelle, finalement, quand on en applique une vraiment, et puis qu'on la possède, assez qu'on peut l'abandonner, puis on continue de posséder ce que la technique nous a amené, non pas devenu l'esclave de la technique, mais si on réussit, par exemple, à appliquer la transparence, on va le devenir. On n'a pas à... C'est pas nécessaire d'y avoir goûté, déjà. Ça peut, pour certains égos, ça pourrait donner... avoir goûté à ce que c'est un état d'être, ça pourrait se vivre, par exemple, sous hypnose, dans certains cas, lorsqu'on est dans un calme total, soit sous auto-hypnose ou hypnose, en voyage astral bien contrôlé, ça pourrait se vivre un sentiment, ou près du sentiment. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce serait un sentiment d'être-té, mais ça serait proche. Par contre, ça dépend des égos. Il y en a qui vont baisser les bras devant l'écart entre ce qu'ils vivent aujourd'hui et ce qu'ils ont vécu en hypnose, puis ils disent, c'est tellement loin entre ce que je vis aujourd'hui et ce que je devrais être, que je n'y arriverai jamais. Il y en a qui vont tout simplement abandonner, démissionner devant un si lourd fardeau, parce que la nuance peut être grande selon les personnes et selon ce qu'ils ont vécu en état d'hypnose, mais ça peut être assez impressionnant. Dans d'autres cas, ça peut vouloir tout simplement dire, ben, je pense que ça vaut la peine que je commence à appliquer. Parce que si c'est ça, ça vaut le coup. Mais à ce moment-là, la personne qui est capable d'admettre ça, est-ce qu'elle est déjà plus près de ce qu'elle devrait être? Oui. Mais la personne qui est plus loin, parce que j'en ai connu plusieurs, qui se croyaient déjà tellement loin, ou se médiocrisaient tellement, comment arriver pour un individu qui se sent médiocre à se débarrasser de cette médiocrité-là qui peut l'empêcher de passer au sentiment? Il faut qu'il s'autorise à être transparent, donc à admettre ses qualités, à admettre ses défauts, mais aussi ses qualités. Dans ces cas-là, c'est que ces gens-là n'admettent que leurs défauts. Donc, ils sont à moitié transparents, ils ne laissent pas passer leur qualité, ils se sentent médiocres, ils ne veulent pas s'autoriser à être bons quand ils sont bons. Soyez bons cette semaine. La semaine prochaine, la conférence a pour titre « Se libérer de l'émotion ». Daniel m'a promis que ça. Bonne semaine à tous.